Bonjour à vous tous, nous sommes mercredi 3 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'abattage de bovins a repris ce mercredi. Notre reporter a constaté qu'à l'abattoir de Bujumbura, les clients n'ont pas été servis en quantité suffisante comme ils l'avaient espéré. Et en Provence Ngozi, l'administrateur de la commune Gachikanoa réclame en plus l'ouverture du marché de bétail de Viergua. Et le ministre de l'Agriculture promet de transmettre à l'usine FOMI des données chiffrées afin que les fertilisants soient disponibles à temps et en quantité suffisante durant la nouvelle année. Et plus de 200 personnes ont été déjà testées positives au Covid-19 dans la province sanitaire de Bururi depuis le mois de juillet dernier. Le district sanitaire de Matana est le plus touché. Dans la chronique sur les messages de haine, un expert nous parlera de la prise en charge psychosociale du stress post-traumatique. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, le ministre de l'Agriculture promet de transmettre à l'usine FOMI des données chiffrées pour que les fertilisants soient disponibles à temps et en quantité suffisante durant cette nouvelle année. Deogui Derourema reconnaît que le défi majeur qu'a connu son ministère l'année dernière a été le retard d'approvisionnement des engrais FOMI aux agriculteurs. Ce mardi, il a présenté les réalisations de son ministère durant l'exercice 2021-2022. C'est plutôt le ministre Deogui Derourema, traduit en français par Arthur Kavaouchi. Le problème majeur est celui des fertilisants, vu que la grande partie de la population s'est convertie à l'agriculture en cultivant beaucoup de terres. Mais l'usine... La situation est très bien. Vous voudrez bien nous excuser, l'élément n'était pas celui que nous avons commandé. Parlons maintenant de l'abattage des bovins qui a repris aujourd'hui, en commençant par la commune de Gachikanoa, c'est en province de Ngozi. Eh bien, là-bas, l'administrateur salue le début de l'abattage des animaux à l'abattoir d'Ovdirwa, situé tout près du marché de bétail, car la population de la localité s'approvisionne en viande dont elle avait tant besoin. Théophile Niwizi dit néanmoins que l'ouverture de ce marché de bétail qui faisait entrer dans le trésor communal plus de 70% des recettes mensuelles serait très bénéfique à sa commune de Gachikanoa. Suivez Théophile Niwizi. La situation est très bien parce que nous nous sommes basés sur les orientations nous délivrées par les autorités hiérarchiques. D'abord la mise en quarantaine et le premier jour de la mise en quarantaine, nous avons eu 34 vaches et 5 chèvres. Et comme c'est le rendez-vous, aujourd'hui c'est l'abattage. Pour aujourd'hui, c'est le premier lot et demain nous nous préparons à accueillir une autre lot pour ceux qui veulent abattre les vaches. Et nous faisons un appel vibrant à ceux qui font l'activité d'abattage comme activité au quotidien et de se lancer dans la recherche de ces vaches qui sont destinées à être abattues afin qu'ils les amènent demain ici et aussi où nous allons accueillir le deuxième. Et cette activité de relance de l'abattage, ça va amener à alléger mieux au niveau du trésor communal? Pas tout à fait, parce que les vaches sont les vaches de la localité. Ce sont seulement les vaches qui sont destinées à l'abattage. Alors, le coup auparavant, il y avait des vaches qui sont destinées à être élevées encore, envie d'avoir d'autres bénéfices par les éleveurs. Mais aujourd'hui, ce ne sont uniquement que les vaches destinées à l'abattoir. Cette activité d'abattoir, c'est seulement pour soulager la population qui a beaucoup demandé et à ce qu'ils puissent avoir encore de la viande. Sinon, ça ne va pas à beaucoup contribuer au trésor de la commune. Ce qui serait bien, c'est l'ouverture totale du marché comme à l'avant, c'est-à-dire ouvrir le marché afin que le bétail puisse encore être repris d'une façon normale. Sinon, aujourd'hui, ce n'est seulement que l'abattage, ça n'a pas beaucoup d'influence sur les recettes communales. C'était Théophile Niwizi, l'administrateur de la commune Gachikanoa, c'est en province de Ngozi. Revenons maintenant sur la déclaration du ministre en charge de l'agriculture. hier lors de la présentation des réalisations de son ministère durant l'exercice 2021-2022. C'était en province de Gitega. Deogui de Rurema s'est engagé à résorber leur. S'est engagé à approvisionner les agriculteurs en engrais chimiques et pas en retard comme cela s'est passé l'année dernière. Suivez le ministre Deogui de Rurema, traduit par Arthur Kavaouchi, c'est notre correspondant permanent à Gitega. Le problème majeur est celui des fertilisants, vu que la grande partie de la population s'est convertie à l'agriculture en cultivant beaucoup de terres. Mais les infomies n'étaient pas préparées. Cela étant, le gouvernement a pris en main cette question. Et nous, en tant que ministère, nous allons nous entretenir avec la population pour voir si les terres cultivables sont proportionnelles avec la quantité de fertilisants demandés, car on ne peut pas le nier. L'engrais fourmis est à bon prix et de bonne qualité et est convoité par d'autres pays, d'où certains commerçants donnent de l'argent aux cultivateurs pour qu'ils aillent se faire enregistrer et avoir les reçus de paiement. Puis après, ils se font passer pour des cultivateurs qui, à leur tour, le vendent à un prix élevé aux cultivateurs, même à l'étranger. C'est en fait ce qui s'est passé cette saison et qui a fait que la population disait qu'elle a commandé beaucoup de fertilisants, mais en réalité, il y avait des commerçants derrière. J'ai demandé aux directeurs généraux de se réunir avec les directeurs dans un délai ne dépassant pas 2 semaines. Pour être au courant à la saison culturelle, la superficie défrichée et la quantité de fertilisants qu'il faut. Et celui qui ne l'aura pas bien fait, des mesures seront prises. Le ministre en charge de l'agriculture, Deogui de Rurema. Il est 13h03 à Bujumbura, la suite de l'actualité. Ce mardi, une commission chargée d'enquêter sur les conflits fonciers en province Bujumbura était à la 13e transversale de Maranvia, en commune Mutimbuzi, où des conflits fonciers opposent une centaine de personnes. Et un certain Libera Hatungimana, celui-ci dit qu'il a acheté. L'autre partie explique plutôt que c'est l'État qui lui a octroyé ses terrains. Spécialitas Kawanyana pour les détails. 16 habitants de la 13e transversale de Maranvia en commune Mutimbuzi disent qu'ils sont en train d'être expropriés par un certain Libera Hatungimana, qui est aussi propriétaire d'une usine de fabrication de briques à la même transversale. Ces habitants disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il dit que ces terrains lui appartiennent alors qu'ils étaient occupés par des Rwandais qui sont rentrés chez eux en 1994. Comme le racontent les gens que nous y avons rencontrés ce mardi, au moment où la commission mise en place par le gouverneur pour enquêter sur les conflits fonciers faisait des enquêtes. Et après le départ de ces Rwandais, ces parcelles ont été données à ceux qui les occupent jusqu'à présent. Et ce sont les autorités administratives qui les ont octroyées, comme ils le disent. De son côté, Libera Hatungimana explique plutôt que ces personnes veulent s'accaparer de ces propriétés qu'il a achetées au Rwandais, comme il le dit. Le conseiller juridique du gouverneur de Bujumbura, Guillaume Niyoyitungira, et qui est aussi président de la commission qui est chargée d'enquêter sur les conflits fonciers, indique qu'après les enquêtes, il va transmettre le dossier au gouverneur qui va prendre la décision. Spécialitas Kawanyana à Maranvia, en commune Mutimbuzi, pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le transport maritime à travers le lac Tanganyika comparé à la voie terrestre est moins cher et prend peu de temps. Les commerçants burundais qui exploitent la voie lacustre sont encore moins nombreux avec une estimation de près de 400 tonnes de marchandises par semaine selon le responsable adjoint du port de Kigoma. Le chef de la gare de Kigoma souligne que le recours aux commissionnaires par les commerçants burundais constitue un défi de taille. Moïse Misako. Selon le responsable de la gare d'Okigoma, le transport des personnes et des marchandises via la voie ferroviaire présente des avantages. Ali Chamte précise que le train transporte beaucoup de marchandises dans peu de temps. Pour lui, les commerçants burundais devraient exploiter la voie ferrée comme auparavant. Certains des défis auxquels font face les commerçants burundais figurent le recours aux commissionnaires. L'assistant du responsable de cette gare explique que ces derniers constituent une entrave pour les commerçants afin d'exploiter la voie ferroviaire. Godfrey Temba estime que les opérateurs devraient cesser cette manœuvre. La situation est ainsi au moment où les marchandises qui transitent par le port d'Okigoma sont de faible quantité, selon l'agent du responsable de ce port. Malume Mchanga ajoute que la voie maritime est plus fiable que la voie terrestre. La voie lacustre est fiable, c'est proche et plus sécurisé. Si on achemine des marchandises en provenance de Dar es Salaam ou dans d'autres localités, en route, le chauffeur peut rencontrer beaucoup de défis. Mais quand on exploite cette voie, on est sûr que les marchandises sont sécurisées. Si on compare avec la voie terrestre, les tarifs sont aussi très bas. À part les ports de Dar es Salaam, le port de Kigoma vient en tête sur les 14 ports qui desservent les pays comme la Zambie, la RDC ainsi que le Burundi, selon le responsable adjoint du port de Kigoma. Moïse Misago qui a été à Kigoma pour nous. Je vous l'avais dit dans les titres, certains habitants de la mairie de Bujumbura, consommateurs de viande de bœuf, et les bouchers se plaignent de n'avoir pas trouvé en suffisance de la viande de bœuf comme ils l'avaient espéré. Ils signalent que seulement 15 vaches ont été abattues à l'abattoir de Bujumbura alors que les clients étaient nombreux. Hubert Mbabazi, directeur général de cet abattoir, tranquillise les commerçants disant que la situation va changer dans les prochains jours. Jean-Marie Mayonga s'est rendu sur le lieu. Reportage. À la technique, on m'a fait signe que le reportage n'est pas prêt. Et une fois n'est pas coutume, on ouvre la rubrique internationale avant les nouvelles nationales et la chronique du jour. Les réunions se multiplient en RDC après les incidents sécuritaires et des manifestations anti-MONUSCO. La dernière en date s'est tenue dans la nuit de lundi à mardi autour de Félix Tshisekedi. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre et quelques ministres étaient associés pour faire le point de la situation. Mais au cours de la réunion de cette nuit, un cap a été franchi. En effet, Félix Tshisekedi a officiellement demandé au gouvernement d'organiser une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer ce plan de retrait de la mission onusienne progressif et échelonnée de la MONUSCO à l'horizon 2024. On doit s'asseoir pour dire que 2024 n'est plus le cap, on doit définir un nouveau cap, a confié Julien Paluku, ministre de l'Industrie et membre de la délégation dépêchée par le gouvernement au Nord Kivu. D'après Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, son gouvernement estime que la MONUSCO n'a pas tout mis en œuvre pour parvenir à la libération de la ville de Bunagana, toujours entre les mains du M23 depuis plus de mois. Selon nos confrères de RFI, l'après MONUSCO est donc déjà acté pour les autorités congolaises. Et la Chine a déployé mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan ainsi que des exercices militaires près de l'île en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Il s'agit de la première visite officielle à Taïwan d'un président de la Chambre des représentants des États-Unis depuis 25 ans. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi dénoncé une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine qui porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionale. Les exercices militaires de la Chine dans les environs de Taïwan menacent les ports et les zones urbaines clés de l'île, a précisé le ministère de la Défense de Taipei, promettant des défenses renforcées et une réponse ferme. On en vient maintenant au reportage de notre confrère Jean-Marie Mayonga à l'abattoir de Bujumbura, je vous l'avais dit. Il a constaté que les clients n'ont pas été servis en suffisance comme il l'avait espéré. Je rappelle que l'abattage des bovins a repris aujourd'hui. Jean-Marie Mayonga. À l'abattoir de Bujumbura, vers 9h du matin, un grand nombre de gens étaient sur place pour voir si ils peuvent trouver de la viande et de bœuf. Ceux qui étaient sur place, que ce soit des consommateurs ou les bouchers, nous ont dit que le nombre de vaches abattues jusqu'à 9h30 du matin était insuffisant vu l'effectif de ceux qui en avaient besoin. Ils ont dit que seulement 15 vaches ont été abattues alors que le nombre des consommateurs était élevé. Ces habitants de la ville de Bujumbura demandaient à l'État de tout faire pour ouvrir plusieurs marchés de vaches se trouvent à l'intérieur du pays afin que les commerçants puissent transporter à Bujumbura un nombre suffisant de ces vaches afin que tout le monde soit servi. Le directeur général de l'abattoir de Bujumbura tranquillise, disant que d'ici peu de jours, la situation va se normaliser. Il signale que pour le premier jour, ce n'était pas facile de tout mettre en ordre au moment où ça demandait beaucoup de préparation. Le directeur général de l'abattoir de Bujumbura précise que le problème rencontré par les transporteurs des vaches venues de l'intérieur du pays était le manque de carburant pour pouvoir transporter ces vaches à l'abattoir de Bujumbura. Jean-Marie Mayonga, Nouvelle des Provinces en bref, avant la chronique du jour. Plus de 200 personnes ont été déjà testées positives au Covid-19 dans la province sanitaire de Bururi depuis le mois de juillet dernier. Le district sanitaire de Matana est le plus touché par cette pandémie où plus de 35% des personnes dépistées sont aujourd'hui testées positives, ce qui a retenu l'attention des participants à la réunion de mobilisation provinciale pour la prochaine campagne de distribution de masques des moustiquaires tenue ce mardi à Bururi. Les représentants de la population sont appelés à la sensibiliser pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19 et pour la réussite de cette campagne de distribution des moustiquaires. Et certains usagers du nouveau parking 6 à l'intérieur du marché El Guagura Supermarket dans la ville de Rumonge s'insurgent contre une taxe exigée par le propriétaire de ce marché depuis ce 1er août 2022, en plus de la taxe communale. Ils demandent à la commune de Rumonge de les éclairer s'ils sont passés d'un parking public à un parking privé, reconnaissant avoir provisoirement sollicité l'utilisation de cette place comme parking pendant un certain temps. Jérémy Vizima, un administrateur communal de Rumonge, dit que l'autorisation à faire payer ce parking n'est pas encore sortie. Selon lui, l'urgence est de réunir les deux parties concernées pour un consensus. Parle, rassure-moi. Le stress post-traumatique résulte des moments douloureux vécus dans le passé. Alexis Nivigira, expert en prise en charge psychosociale, indique que cela freine le processus de réconciliation. Les gens doivent approcher les experts en psychologie ou en résolution des conflits pour la prise en charge. Ornella Mouch. Le stress post-traumatique, c'est l'ensemble des troubles résultant d'un événement traumatique perturbant le fonctionnement psychique au fil du temps, même longtemps après l'événement. Alexis Nibigira, expert en prise en charge psychosociale, indique que différents symptômes manifestent cet état chez la victime, comme le manque de confiance à l'égard des membres de l'autre ethnie ou groupe et la difficulté de cohabiter avec les autres. Il indique que cela crée une sorte de dissociation suivie par l'utilisation des messages de haine. Quand on a la peur, vous comprenez qu'on a peur des autres. Et on continue à sentir la colère, la culpabilité, la frustration, voire même la perte de contrôle des émotions. Tout cela peut affecter la relation interhumaine. Nous pouvons même parler de certaines situations où les personnes peuvent avoir des difficultés de cohabiter avec les autres parce qu'on sent justement cet esprit de vengeance. Quand on a ce sentiment de vengeance, on continue à véhiculer en soi ce sentiment de haine et voire même vouloir déshumaniser l'autre. L'état de stress post-traumatique limite le processus de paix, selon toujours Alexis Nivigira. Les gens doivent savoir que l'état de stress post-traumatique est un problème et social qui limite et voire même qui bloque le processus de réconciliation, qui bloque même le processus de paix, voire même le processus de développement. Alors, pour y arriver, on doit d'abord comprendre que c'est un problème. Et les gens doivent être aidés à comprendre ce phénomène pour le traitement du passé. Il propose que les victimes doivent solliciter l'aide des experts en matière de résolution des conflits pour réajuster les comportements faisant défaut de leur vie. On doit vraiment faire le soutien psychosocial basé dans la communauté pour justement établir la confiance dans une culture durable de la non-violence, différencier la culpabilité des individus et de la communauté et mettre en place les institutions opérationnelles qui puissent aider les gens à se réconcilier. Et en dernier lieu, en stabilisant les émotions, en aidant les gens à être stables sur le plan psychologique.